C'était le printemps, tout était nouveau. C'était le printemps et tout était beau. Pourtant, tu es parti vers un coin de ciel bleu. Pourtant, tu es parti sans même me dire adieu. Il y avait dans ton regard infiniment de tendresse, et dans le calme du soir, tu dissipais ma détresse. Et pourtant, tu es parti sans même me regarder. Et pourtant, tu es parti sans même. Tout était nouveau. C'était le printemps et tout était beau. Pourtant, tu es parti vers un coin de ciel bleu. Pourtant, tu es parti sans même me dire adieu. Il y avait dans ton sourire une lueur d'éternité. Tu me regardais sans rien dire et j'étais apaisé. Et pourtant tu es parti.